Je voudrais que mes potes soient encore en vie. Je voudrais goûter à leur sourire. Ils me manquent, je voudrais déguster leur pourrir. Je voudrais par une journée ensoleillée contempler notre amitié, vivre et prier, jusqu'à étouffer nos rancœurs. Qu'on soit unis en harmonie comme un seul cœur. Qu'on partage les succès et les efforts. Et si on souffre, qu'on souffre comme un seul corps. Toutes les banlieues se ressemblent. Alors je voudrais que toutes les banlieues se rassemblent. Qu'ensemble on défende nos droits. Qu'ensemble ils nous entendent comme une seule voix. Puis-je encore rêver? Moi qui suis plutôt du genre à œuvrer, dur de conserver l'espoir malgré la douleur de mon histoire. Laissez-moi m'élever, c'est tout ce qu'il me reste. Laissez-moi rêver, laissez-moi rêver. Même si ce monde nous a fait prisonniers, nos espoirs ne doivent pas être emprisonnés. Je voudrais trouver la femme de ma vie, qu'elle même me comprenne, m'enseigne la confiance, me surprenne et m'apprenne. Je voudrais qu'elle sache m'anticipe, que je puisse enfin m'épanouir entre harmonie et paix. Je voudrais que son sourire illumine ma vie, elle est claire, fidèle, loyale, sincère. Je la voudrais que sa douceur étouffe ma colère, qu'elle rayonne même quand il y a de l'orage dans l'air. Qu'elle tue ma solitude, bouleverse ma vie, mes habits, mes habitudes. Que je puisse avoir l'impression de voler sans elle, que je connaisse le sens de l'expression sans elle. Mais puis-je encore rêver? J'ai l'impression d'avoir déjà tant œuvré. Dur de conserver l'espoir malgré la douleur de mon histoire. Laissez-moi m'élever, c'est tout ce qu'il me reste. Laissez-moi rêver, même si ce monde nous a fait prisonniers. Nos espoirs ne doivent pas être emprisonnés. Comme toi, je voudrais voir triompher la justice face à l'injustice. La générosité se manifester, faire face à l'égoïsme. Mais j'ai du mal à rêver quand j'observe la souffrance des désœuvrés. Comment conserver l'espoir face aux cruautés de notre histoire? N'attends pas tous les mêmes rêves. Nos cœurs abritent les mêmes espoirs. Je dis qu'on a tous les mêmes rêves. Nos âmes subissent le même désespoir. Laissez-moi m'élever. Je voudrais m'élever. C'est tout ce qu'il me reste. Laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver. Même si ce monde ça, même. C'est ça, même.